maison de Sémina, tout en pierre me fait rêver. Le bois rustique, les poutres apparentes, la porte d'entrée et ses yeux clairs. La maison de Sémina, nous y vivrons un jour tous les deux. J'y passerai ma retraite artistique à l'ombre du bois rustique.